bitumba na bitumba, hey, bitumba na bitumba, hey. À l'aube de mes 30 ans, j'aimerais revoir ce monde avec mes yeux d'enfant, réadmirer ces vitrines me rappelant cette douceur insouciante d'antan. Mais quand j'ouvre mes volets chaque matin, la réalité reprend vite le dessus dans cette forêt de béton qui s'étend à perte de vue. On respire à plein poumon toutes sortes de particules et suffoque sous la canicule. Ici, il y a bien longtemps que les saisons ne gouvernent plus, les machines imposent leur rythme et tournent 24 heures sur 24 à plein régime. Un mécanisme bien huilé, une course effrénée où l'on ne voit plus le temps passer, où l'on ne prend plus le temps d'apprécier la vie. Envie de changer d'air, véritable retour aux sources. Envie de changer d'air. De goudron et la majorité broute comme des moutons l'horizon. Mais guerre florissant, pessimiste, non, juste réaliste. Ouvrons les yeux, la technologie avance à grands pas. Alien, nos esprits nous conditionnent à voyager qu'à travers l'écran de nos numériques. On se matérialise et on se déshumanise. Mon pépé à Bolingo, et Zalana mité ma batonyoso. Et Ikea. Naleli, naleli, yawe, dinamo pepe a bolingo. L'être humain se noie dans le paraître et se fout de savoir si le fond est bon. Dans cette époque où l'argent est roi, il ne se contente plus de ce qu'il a chez soi. Et pis sans scrupule les richesses de son voisin. J'aimerais tant que toi et moi nous avançons dans la même direction, main dans la main, pour construire un meilleur lendemain. Un meilleur lendemain. Naleli, naleli, Yahweh, dinamo pepe a bolingo. Un meilleur lendemain. Un meilleur lendemain.